Sabi bosse là, ben il faut m'y passe là. J'ai pas un fake, mais elle lui tosta. M'a panifé en plus, panifé la resta. En bloc, bloc dans la résoie. Appelle pompier, sinon trappe la rosoie. On peut 10 000 en place, 1 000 dans le réseau. La capitale, on connaît la neuse. Manifé, pas ta tête, fais pas ta réseau. Nous arrive en bloc, assois, moi si vous voulez la frappe. En bloc, assois, il faut m'y laisser taper. En bloc, toucher ta tête, troller, ouais. En bloc, dis à moi, qui sait, j'y ai ça. Ben ben, non, dis pas moi, j'y ai pas. Dis à moi, qui sait, j'y ai ça. Ben ben, non, dis pas moi, j'y ai pas. Screw! Dans les bails, faut m'y faire du sale. Que nous ouvrez pas, Nina tout la dalle. Et 5 pas stop, ça midi bail. C'est la fête, oui, c'est la folie. Ils mettent encore, m'y arrête, puis m'y arrête, puis emmène ma manier, fais pas manier. Non, non, pas la pour pleurer, pas la palère. Assois, man, si ça ken son affaire. Cafrine en poste, pas besoin ou la peur. Nous arrive en bloc, assois, moi si vous voulez la frappe. En bloc, assois, il faut m'y laisser à peu. En bloc, toucher ta tête, troller, ouais. En bloc, dis à moi, qui sait, j'y ai ça. Ben ben, non, dis pas moi, j'y ai pas. Dis à moi, qui sait, j'y ai ça. Ben ben, non, dis pas moi, j'y ai pas. Screw! La dame laisse flamber, laisse causer. La langue y bat pomper, mauvais yeux. Ça pour mon bon vrai, pour de vrai. Pas si hypocrite, fait la bise de côté. Le poids du tap passe, il faut me shoot. Le son les tapotes, allez boost. Bordel gal, il faut mou. Elles sont là plein de dessus ou des foules. Nous arrive en bloc, assois, moi si vous voulez la frappe. En bloc, assois, il faut m'y laisser taper. En bloc, toucher ta tête, troller, ouais. En bloc, dis à moi, qui sait, j'y ai ça. Ben ben, non, dis pas moi, j'y ai pas. Dis à moi, qui sait, j'y ai ça. Ben ben, non, dis pas moi, j'y ai pas. Screw! J'ai pas.